studio 1 de 1 du 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès des Fous pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2017. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Pour les 3 heures qu'on a aujourd'hui, on va passer un bon petit moment ensemble, seul, vous et moi, sans Tania malheureusement, avec plein de bonne musique. Le top 20 francophone et le top 20 anglophone s'en viennent. La semaine passée, notre numéro 1 en franco, c'était Laura Babin avec Water Buffalo, on va voir si ça tient. Et en anglophone, c'était Duo Tang avec Karma Needs to Come Around. Ça aussi, on va savoir si c'est au sommet encore cette semaine dans 3 heures environ. Avant ça, par contre, on a plein d'autres choses à faire. Palmers in Peace, c'était fou ailleurs dans les palmarès. Et des nouvelles entrées, c'est avec ça qu'on va commencer d'ailleurs. Plus tard, il y aura Michelot, Ludovic Allary, Chocolat, Wilfred and the Grown Men, Darcy's Ostra ainsi que Heat. Mais on va débuter en 20e place francophone avec un nouvel extrait de l'album Noir Eden de Peter Peter. Voici Bien Réel dans les palmarès, c'est fou sur le 89.1 FM. J'ai retrouvé sous mes angles de la terre celle d'un endroit où je n'ai jamais été. Dans mes mains, elle prend la forme d'une spirale. Plus je la fixe, plus je sens qu'elle m'avale. C'est alors que je me laisse tomber, puis me réveille dans un lit drapé d'or. Le plafond est étoile, sol, jardin, des cascades dans mes cheveux se frettent au chemin. Royaume où règne la musique et le silence. Il me fut entièrement légué, oui, je pense. J'imagine que c'est bien réel. J'imagine que c'est enfin vrai. C'est un royaume où règne la

suis avec Utopia sur l'album Future Politics. Elle est capable d'aller vraiment aiguë, elle. C'est Katie Stelmanis, c'est le groupe Ostra, groupe de Toronto. Musique à mélange d'électropop et de psyché. Ils disent en fait eux-mêmes être de la pop électronico-dramatique. On les a entendus en 19e position anglophone. Avant ça, en 19e francophone, c'était Chocolat avec Loulou sur l'album Rencontrer Loulou. D'abord, un groupe qui bouillonnait d'une violence rock'n'roll imprévisible, dit-il. Chocolat charma la critique avec un EP éponyme à l'érotisme corrosif et le bien mis piano élégant qui mariait romantisme alcalin et rock à la sauce yéyé. Puis suivi comme 2014, disque dont le psychédélisme expansif et les répétitions façon kraut leur valurent une reconnaissance à l'international et de nombreuses tournées à l'étranger. Chocolat connaît à présent une deuxième mue sur Rencontrer Loulou, le groupe délaisse les dédales exploratoires pour donner dans un ardo franco-prog modal aux accents punk et folk. Voilà. Ceux qui écoutent les bourdonnements de l'univers l'ont depuis longtemps compris. Rencontrer Loulou, c'est quelque chose comme voir le choc du futur dans le fond d'une bouteille de Cherry Coke. Quelque chose comme goûter à l'infini dans le nœud d'un pretzel. Ça, c'est le texte qui vient directement de grosse boîte. Avançant en 20e place anglophone, c'était Heat, avec la pièce Lush sur l'album Overnight. Heat qui va être en spectacle à Trois-Rivières au Café Frida le 3 mars prochain. C'est un groupe composé de Suzile Charma, Mathieu Fiorentino et Raphaël Bussière. C'est du post-punk montréalais, à ne pas confondre avec un autre groupe, Heat, qui lui est suédois. Et on a débuté avec Peter, avec Bien Réel, un autre extrait de l'album Noir Eden. On commence à épuiser cet album-là au complet. Mais bref, Peter.ca, c'est du pop-rock franco, avec bien sûr Peter en vedette. Voilà pour le bloc des 20e et 19e places. On a la moitié des nouveautés de fin. Il nous en reste encore donc 4 plus tard. Il y aura Michelo, il y aura Wilfred and the Grown Men, ainsi que Darcy's. Mais on débute avec Ludovic Allary. Voici L'appartement dans les Palmarès, c'est fou, sur le 89 FM. Thank you. programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Across the floor, arch your back at your imagination. Really take hold. I hold your breath, I feel the inhalation. Fill up your lungs and close your eyes and let the trepidation unabandon your bones and let yourself go. Ça te fesse dans les oreilles. On va entendre Darcy's avec Coming Up For Air sur l'album Centerfold, nouvelle entrée en 18e place anglophone. J'ai adoré. C'est un groupe de Toronto en Ontario. En fait, c'est leur deuxième extrait de leur album Centerfold. Le premier étant San Diego 1988. On avait aussi adoré la pièce I Want It All. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire le tour de cet album-là tellement c'est écœurant. Ils sont sur l'étiquette Arts and Crafts, ce qu'on aime aussi. Avant ça, en franco, c'était Ludovic Allary. Oui, Ludovic Allary avec l'appartement. Ludovic Allary, je vais chercher les informations de Michello. Je suis pas habitué de faire le français. Qu'est-ce que tu veux, hein? Allary, pour trouver ça, voir. Ça, est-ce qu'il y a quelque chose comme résultat là-dessus? Dans page, là. Ludovic Allary, oui, merveilleux. Une chance. Son lancement va être le 31 janvier, aujourd'hui même, au Ritz PDB. Donc, c'est le lancement ce soir. Ludovicallary.bandcamp.com, c'est un garçon montréalais. Et puis, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire dans le genre alternatif. Pas grand-chose sur sur sa page Facebook, mais l'album disponible depuis le 27 janvier s'appelle L'Appartement. Voilà. Comme je dis, il nous reste D'autres pièces à entendre, d'autres nouveautés. Il y aura Michelo en quelques instants. Suivra Wilfred and the Grown Man avec la pièce I'll Never Understand Why. Mais avant ça, Michelo avec Tu souris pour lui plaire, entre parenthèses, ou lui montrer les dents. C'est pas mal assez fou. Peut-être un des deux, pour lui plaire ou pour montrer tes dents. Il y en a qui aiment ça montrer leurs dents. C'est pas mon cas. C'est pas mal assez fou. Entrée. like there's never been. Don't see beyond our own eyes. It's becoming reality. This is the best world we ever had. How did we mess it up so bad? And I'll never understand. And the Grown Men avec I'll Never Understand Why. Sur l'album Passing Through. Wilfred and the Grown Men, un groupe de Edmonton. Pop rock. Une institution apparemment dans leur ville d'Edmonton. Avec des racines dans la scène du New Wave des années 80. Avant ça, on a entendu Michello avec sa pièce Tu souris pour lui plaire ou lui montrer tes dents sur son album L'amour violet. C'est le retour de Michello dans le palmarès à Michello.com et son site web. Maintenant, voilà, on a entendu nos 8 nouvelles entrées, ce qui veut dire qu'on doit dire au revoir à 8 autres pièces. Voici Palmer Rest in Peace. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. La mort véritable est trop rebelle. Laisse-moi c'est vrai que je vais m'ennuyer. C'était des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès depuis la période du 23 au 29 janvier 2017. Des classiques instantanés pour la plupart. On a commencé avec Mordicus et la DJ qui s'est fait débrancher ses speakers après 6 semaines. Gasoline qui est rendue sur le petit F là, avec L'amour véritable et au rebelle qui a duré 6 semaines. On a créé un monstre, a eu trop peur, s'est enfui en courant avec Rencontre surprise qui a duré 7 semaines. Chocolat a fondu avec qui a duré 9 semaines. Darcy's a quitté la ville, San Diego 1988 qui a duré 6 semaines seulement, je comprends pas. We Are Wolves s'est fait abattre avec I Don't Mind qui a duré 7 semaines. The Hidden Cameras est retourné se cacher avec The Day I Left Home qui a duré 7 semaines. Et finalement, Royal Canoe s'est échoué avec Bicycle ou a fait un flat, comme vous voulez, qui a duré 8 semaines. Pour vrai, là-dedans, là, Royal Canoe et Darcy's sont imbattables en ce moment. Je les adore fort, fort, fort. Mais on doit leur dire au revoir. Et Colin, peut-être qu'on aura la chance de revoir ces groupes-là éventuellement. Ben, Darcy's, on l'a entendu tantôt avec Coming Up for Air. Mais Royal Canoe, et pourquoi pas. Mordicus, ça, je pense que Mordicus, c'est vieux. Bref, il y a des affaires qui sont vieilles là-dedans. Faut bien passer à autre chose à un moment donné. C'est tout. Pour Palmer Rest in Peace, on fait ça juste après les nouvelles entrées. Chaque semaine dans les palmarès, c'est fou. Maintenant, on doit sauter par-dessus les choses en anglophone et en francophone. On saute par-dessus les 16 et les 15. Donc, du côté francophone, on saute la 16e, qui est celle de Clopel Gag, qu'on entend tout le temps, là, les ferrofluides de fleurs. En 15e place, c'est les Delaware Chuck avec Désastre. Du côté anglophone, la 16e, une de mes préférées, mais Colin, c'est tellement vieille. 6 semaines qu'il faut faire un petit peu de la place pour les plus récentes pièces. Donc, c'est The Devil's Punch Bowl par The James Clark Institute. Et en 15e place, 7e semaine de présence pour Elephant Stone et See the Light. Peut-être y reviendrons-nous plus tard dans l'émission, étant donné que je suis seul aujourd'hui. Je devrais avoir le temps de jouer presque tout le palmarès. Donc, on va sauter aux 14e et 13e place, mais on va en sauter une, donc un bloc 3 quarts. On va sauter là-dedans, Dearly Beloved. Plus tard, on entendra Yoko Fur ainsi que The Top Boost, mais on débute en 14e francophone, pardon, avec une pièce qui monte de 6 positions. C'était nouveau la semaine passée. Voici peut-être Jet Cool, ou sinon, vu que c'est un groupe francophone, J'ai Cool, avec À la plage au palmarès, c'est fou, dans le bon soleil. Love. la brume, dans les bois, les phares de leur voiture nous ont pris par surprise. Ça s'arrête à l'instant. Leurs fusils pointus s'enfoncent dans nos coups. À tout prix, résister, va falloir sauter. C'est Yoko Feu et la pièce Exil. Position numéro 13. Ça monte d'une place sur l'album Les Enfants Sauvages. Avant, l'entendu de Taboos avec What If She Loves You qui monte d'une place sur l'album Turnaround. Et avant, c'était Jet Cool avec À la plage qui monte de 6 places. Nouvelle entrée de la semaine passée. Parmi tout ça, on a sauté par-dessus Dearly Beloved en position numéro 13 stable avec I Tried to Leave. On saute aussi par-dessus les 12e et 11e en anglophone de Pretty Reckless, Oh My God, et Toughies avec Down in Style en français, en francophone. Donc Jean-Philippe avec Blancheur et Chasse Pareil avec Berceuse pour les oiseaux d'hiver. On saute tout ça pour se rendre à la fin de la première heure. Dans quelques moments, ce sera la deuxième portion de l'émission, le top 10! Dans quelques instants. Après ça, le top 5. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si le numéro 1 francophone est toujours Laura Babin avec Water Buffalo et en anglophone Duo Tang avec Karma Needs to Come Around. La réponse dans 2 heures, un petit peu moins que ça. Au Palmarès, c'est fou, restez avec nous. Des palmarès, c'est fou pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2017. Toujours Mathieu Plante et Talia Baudin est toujours en congé cette semaine. Enfin, elle va être de retour avec nous la semaine prochaine. On la salue au passage. Donc, bienvenue dans la deuxième heure, la portion top 10 de l'émission. On va entendre les positions 10 à 6. En plus, le site est fou plus tard dans cette heure. Mais commençons avec les 10e places. En anglophone, il y aura The Pack 80 avec Fair Enough qui monte d'une position. Mais tout de suite, c'est Gab Paquet, celui que j'appelle Gab Paquet. Qu'on écoute. C'est celui qui fait la chanson française là, avec Diamant tout de suite dans les palmarès. Ça, c'est fou. Ce soir, je la sors dans les clubs qui la branchent. Au lieu de la voir faire sa danse devant des cons qui s'en branlent, son corps dans la brume. Entre les vagues de sa nuque, je suis son pédoncule. Je suis le thon sur son sucre. Sans phare sur le boulevard, elle retouche son maquillage. Bientôt les boules miroirs toucheront son coquillage. Elle se reparfume à l'autel sur la Bible. Des cierges qu'elle allume de sa robe invisible. Ce soir je l'adore quand sur mon corps elle se penche. Enfin je vois sa peau blanche et j'entends chanter les anges. Son bronzage sur

Falling Free de Bronco. Pour ce numéro 9 du côté anglophone, avant son entendu Ripé avec son... Tout en train de sacrer ce gars-là. Ripé. Donc, nouveau téléphone qui monte d'une place. Avant ça, en 10e place anglophone de Pagani avec Fair Enough qui monte de une. Et au tout début du bloc, Gab Paquet avec Diamant qui monte d'une place sur l'album Santa Barbara. Maintenant, déjà rendu au position numéro 8, ça va vite, presque la moitié de l'émission de fête. Donc, du côté anglophone, ce sera The XX avec Performance qui monte de deux places. Mais avant ça, on écoute Marie-Ève Roy et son album Blue Nelson. Ça monte de une, voici Larmes de joie au palmarès, c'est fou. 89 FM. If I leave before the end, will you? stop to believe it. I've had to put on my own show. I'll put on a performance. I'll put on a show. It is a performance. I do it a whole song. You won't see me hurting when my heart it breaks. I'll put on a performance. I'll put on a brave. C'est Performance, position numéro 8, qui monte de 2 places en anglophone. Et avant, c'était Marie-Ève Roy et Larmes de joie qui monte d'une place sur l'album Blue Nelson. Maintenant, les 7e en anglophone, Tassie O'Mency avec une pièce titre de l'album Do Easy qui monte de 2 places. Mais avant ça, voici De La Reine avec leur album homonyme et la pièce L'Impérative. Ça monte d'une place dans les panneaux. C'est fou. 89 FM, c'est fou. Prends-moi, imaginez, invente-moi, dis-moi. êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Pretty loaded.

If I'm honest, you come to mind. Wow, que j'adorais ce bloc de C'était fou pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2011. On vient de terminer avec Valès Pariétaire, qu'on les aime tellement, l'album Canicule et ours polaire à la pièce Le Reflet. Valès Pariétaire, ce sont ceux qui font la chanson thème d'origine d'Assemblage requis, là, celle qui est la normale, vanille, saveur régulière. Alors ça, c'est The New Pornographers qu'on a entendu, un autre de mes groupes préférés avec My Shepherd sur l'album Together. Et on a débuté avec quelque chose que j'aime pas mal moins, mais c'est pas grave, c'était le numéro 1 francophone de cette semaine-là. Donc Chromio avec J'ai claqué la porte sur l'album Business Casual. New Pornographers qui était le numéro 1 anglophone cette semaine-là, et Valès Pariétaire qui était mon choix bonus. Voilà, je ne l'avais pas précisé précédemment. En fait, c'était fou quand ça donne en deuxième heure dans les palmarès, c'est fou. Il aurait juste assez de temps dans cette deuxième heure, justement, pour entendre les positions numéro 6. Donc, en anglophone, on entendra Us Trapeze et la pièce Thinking Stop Thinking sur l'album The Soil. Ça monte de deux places, mais avant ça, on écoute Volvets, Vulvette, avec une pièce stable en sixième, c'est La Mort. Les palmarès, c'est fou sur le 89 FM. Yeah. C'était Astropies en position numéro 6 anglophone avec la pièce Thinking Stop Thinking qui monte de deux places. Avant ça, entendu Vulvette avec La Mort qui est stable en 6e. Et c'est drôle parce qu'elle est en 6e place. C'est sa 6e semaine de présence. Elle était 6e la semaine passée. Ça fait 6-6-6 pour Vulvette. Wow! L'album, ben en fait, il n'y en a pas. C'est un simple. Il nous reste un petit peu de temps dans cette deuxième heure avant de continuer avec la position, les positions 5 à 1. Donc, on a le temps pour entendre une pièce du côté anglophone. Tiens, la 15e place qu'on a sauté tantôt, c'était See the Light par Elephant Stone. On écoute ça tout de suite dans les palmarès. C'est fou, un bonus! See the Light dans les palmarès, c'est fou. C'était une pièce qu'on avait sautée tout à l'heure en position numéro 15. C'est la fin de la deuxième heure des palmarès, c'est fou. Il nous en reste seulement une troisième. On va être de retour avec les positions 5 à 1. On va enfin savoir si le numéro 1 francophone est toujours Laura Babin avec Water Buffalo. J'ai pas le choix de la prononcer comme ça, Laura Babin. En anglophone, Duo Tang avec Carmelines to Come Around. Il nous reste qu'une seule heure avant de le savoir. Et on revient avec tout plein d'autres très bonnes chansons, entre autres celle de Autruche Paupière, Diana, Jesse Brown et The Evaporators dans la troisième heure des palmarès. Il faut rester avec nous. Vous êtes dans la zone 89. Boom, boom. démarre les panneurs assez fous pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Malheureusement, elle n'est pas avec nous cette semaine. Elle me laisse seule avec vous. Mais on a du plaisir, on écoute de la bonne musique, donc c'est toujours le fun. Et on est dans la troisième heure, donc la portion top 5 de l'émission. On va entendre les 5e et 4e en bloc, en grosse rafale. Plus tard, il y aura Mary Davidson, Jesse Brown, ainsi que New Fries avec Jay-Z. Jay-Z la pièce, pas Jay-Z l'artiste, entre guillemets. Mais on commence avec la 5e position francophone, ça descend de une. C'est le Québec Redneck Bluegrass Project. Leur album s'appelle Royal Reggae. Voici Bien être Tour, tout de suite au Palmarès, c'est fou. Moi ça j'ai perdu du poids, mais j'suis là, j'ai mangé sec au Westmingal. J'ai perdu ma carte et ma masse salariale. J'étais pas stable à jouer de la gratte. Le caisse ouvert, ça se fait mal avec une gang de pas propre. Trop scrapant avec une gang de pas propre. Sale, ça dérape, à ce qu'à les détails. Pas qu'à t'as passé les galettes, c'est rough de courir les dépenses avec une soif aussi intense. Faut savoir où mettre ses priorités. Une journée dans ce qui vient sur le marché. Sur le là-haut, là-haut, du là-haut. C'est Samsung, avec un côté de Jack, tu pompes l'opium de Varanasi. Le oui, le copie, la sauce, il y a accompagné les champignons de Chiang Mai. Le yabakoke, y'a vu les cartons paille, les tailles pocket de Phuket. C'est top de rester douette, c'est rough de courir les dépenses avec une soif aussi intense. Faut savoir où mettre ses priorités. Nous sommes dans le skip et sur le marché. C'est beau de voir ça, un bien et tout. C'est beau de voir ça, un bien et tout. Bien et tout, bien et tout. Oui, des bien et. Bien et bien et. Bien et tout, bien et tout. Oui, des bien et. Bien et bien et. Bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, cinq. We'll be right back. j'étouffe. Quel gâchis. Danser, prier, crever. future, but I think you've been misled. Jesse Brown avec That We Ain't Got No Money au palmarès, c'est fou. Ça, c'est bien sûr la position numéro 4 du compteur Le Fun. Ça descend d'une place. Avant, c'était Mary Davidson avec Adio au Dance Floor qui descend aussi d'une place. Avant, c'était New Fries avec Jay-Z qui monte de la 12e place à la 5e sur l'album More. Et on a débuté le bloc avec Quebec Redneck Bluegrass Project avec Bien-être Tour qui descend d'une place en 5e francophone. Voilà. Maintenant, c'est le moment des 3e places. En anglophone, on trouve Diana avec Watch Again qui descend de 1. Mais là, je remarque que la position numéro 1 de la semaine passée, Laura Babin avec Water Buffalo, a descendu de 2 places. C'est la pièce titre de l'album Water Buffalo. On l'écoute, ça veut dire qu'on a une nouvelle première position. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être. J'espère que vous aussi. Mais pour l'instant, on l'écoute donc en 3e place, Laura Babin et Water Buffalo dans les palmarès. C'est fou sur le 89.1 FM. Oh oui. Calme comme les puissants. Keys on board. 3. Echo comes back to your lonely room. Said my What You Get de Diana, position numéro 3, se descend d'une place sur l'album Familiar Touch. Et avant, c'était Laura Babin avec l'ancien numéro 1, Water Buffalo, sur l'album du même nom. Les palmarès, c'est fou. Déjà rendu aux positions numéro 2, ça n'a pas de sens, comment ça va vite. Il nous reste encore une demi-heure, on va avoir le temps de revenir en arrière en masse. Mais pour l'instant, en deuxième place anglophone, c'est The Evaporators. Et en deuxième francophone, tout de suite, voici Autruche et Chouchou la Moelle. Hey, c'est cool ça. Je sais bien, c'est les palmarès, c'est fou, voyons. faire. Je me laisserai pas faire. Je t'entends, je t'écoute pas. Puis moi, ça coûte un bras car ça me prend dans le manche. J'ai plus que les chances. Commence à se branler. Chou-chou, c'est vous qui parlez. Chou-chou, je capote pour la crise. Par les Vaporators. Pour ce numéro 2, ça monte de 2 places. Quatrième semaine de présence sur l'album Ogo Pogo Punk. Et avant ça, on a entendu Autruche avec Chouchou la Molle qui monte de 5 places sur l'album Ferme les rideaux. Je suis en fesse. OK. Ah, il reste seulement les numéros 1, mais avant de passer au numéro 1, comme on le fait toujours, on prend une minuscule pause. Le temps de découvrir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès! Oh! Wow! Ailleurs dans les palmarès. C'est la section où on regarde ce qui se passe dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Commençons par le top 30 des albums, qui comprend deux nouvelles entrées qu'on a entendues en début d'émission. Donc, en position numéro 18, c'est Heat, avec l'album Overnight. Et en 15e place, Wilfred and the Grown Men, avec Passing Through. Dans le top 3, en 3e place, c'est Familiar Touch de Diana. En 2e, c'est The Evaporators, avec Ogopogo Punk. Je vous surveille, je vous surveille. Hein? Je me retiens de dire le numéro 1 pour ne pas révéler le punch. Top 3 disque canadien, même chose en 3e Diana et en 2e The Evaporators. Dans le top 10, là où une seule nouvelle entrée, c'est Zandria avec l'album Theater of Dimensions. En 3e, ça monte de la 7e place, Testament avec Brotherhood of the Snake. En 2e, c'est Stable, Fragmented Spirit Devils, l'album de Aggression. Et en première place, c'est Stable, Sepultura avec l'album Machine Messiah. Dans le top 5 musique du monde maintenant, deux nouvelles entrées en 4e et 3e, donc la seule qui sera pas mentionnée sera la 5e place. Donc 4e, la pièce Bang Bang de l'artiste El Jury. En 3e, nouvelle entrée Wynan Adobat par Tammy Crest. En 2e, ça monte de 3 places, l'artiste Jamala et Dakabraka avec Zamanili. Et en première place, c'est Stable, la pièce Starlight de Jorge Martinez. Voilà, donc pour ce top 5 musique du monde, il reste, tout est là, tout est dit. Et j'ai choisi un extrait du top 30 des albums à entendre. En fait, quelque chose qu'on n'a pas encore entendu, c'est la position numéro 27. C'est sa 2e semaine, ça monte de 3 places. L'artiste, c'est Lesbo Vrouven, l'album Griff Pif. Et voici l'extrait coloré tout de suite ailleurs dans les palmarès. Oh oui, c'est les palmarès, c'est fou. Color. Jess Beaubrouen et la pièce colorée sur l'album Griff Pif dans la section ailleurs dans les palmarès des palmarès c'est fou. C'est un groupe de Québec, Les Beaubrouen, post-punk. En fait, ils disent eux-mêmes post-pink et pants dunk depuis 2006. Sam Murdoch, Hugo Lebel, Jean-Christophe Bédard, Rubin. Ils ont un vinyle disponible qui est complètement rose. J'aime la couverture de leur album en passant qui est très tache dunk, rose, noir, orange, jaune un peu. Vraiment beau. Et leur vinyle est complètement rose, comme je le disais, qui vient avec, en fait, il y a des versions limitées, signées à la main, avec posters et tout ça. Si vous voulez sur Bandcamp, c'est lesbeauvrouven.bandcamp.com. Pas mon genre de truc du tout, mais si ça vous plaît, tant mieux. C'était donc un extrait du top 30 des albums, position numéro 27. Maintenant, il nous reste assez de temps pour les numéros 1 et ensuite, peut-être quelque chose de plus, mais pas sûr. En fait, il reste pas tant de temps que ça. On a pris beaucoup de temps en faisant jouer plein de longues pièces. Bref, donc, numéro 1 en anglophone, ce sera Duo Tang avec Carmonies to Come Around. Stable, donc c'est le même numéro 1 que la semaine passée. Super cool pour eux. Et du côté francophone, ça monte d'une place. C'est Paupières. Les voici avec l'extrait Rex tout de suite. C'est les palmarès, c'est fou. 89 FM. Radio Campus de Trois-Rivières. Oh oui. Oh. Oh. question. C'est fou pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2017. On vient d'entendre Duo Tang avec Karma Needs to Come Around. Oui, deux semaines de suite au numéro 1, c'est parfait pour eux. Et l'album s'appelle New Occupation. Et avant ça, on a entendu Paupières avec Rex qui monte d'une place sur l'album L'amour fait peau neuve. Et voilà, c'est tout pour ces palmarès-là. On s'est rendu au sommet, c'est cool. Sauf qu'il nous reste encore une quinzaine de minutes, vous l'aurez remarqué. Donc on a le temps de reculer un petit peu dans ce qu'on a sauté plus tôt dans l'émission. On va entendre la position numéro 16 à la fin avec The James Clark Institute et The Devil's Punch. Une de mes préférées. Avant ça, dans le milieu, il y aura les Dale Orchuk avec Désastre qui descend de la 5e place et on débute avec Klopelgag. C'est l'ancien numéro 15, donc ça descend de une position. Voici les ferrofluides fleurs dans les palmarès. C'est fou. Je fixe le soleil depuis longtemps. J'ai vu les avions. Baby's got chaos in her veins. Lightning bolts at the break of day. But she can't run away from the devil's parade, the devil's escapades. Baby's got madness in a glance. Take two steps back and ask her to dance. But she don't stand a chance with the devil's serenade, the devil's lemonade. The devil seems to know just what I think. The devil's in her soul, don't let her drink from his punch bowl. Le James Clark Institute avec la pièce The Devil's Punch Bowl pour terminer cette édition des Palmarès. C'est fou. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était super cool, même si on était seuls ensemble, vous et moi. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition, mardi entre 14h et 17h. Après nous, à 19h, il y a réanimation avec du métal et de l'horreur, puis à 21h, matière noire. On repasse les vendredis soirs à 17h. Après nous, encore réanimation et matière noire, mais à partir de 20h. Et finalement, les samedis, on joue entre midi et 15h. Et après nous, il y a Radio Sonic à 19h. C'est Foin.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, moi et Tania. Et j'anime aussi le Mathieu Plante Show, oui, à 15h les mercredis. Voilà. On se quitte avec une autre pièce qu'on avait sautée, c'est-à-dire la position... Qu'est-ce que j'ai choisi? Oui, la position numéro 11, voilà, qui descend de la 6e place. C'est par Duffy's. C'est la pièce Down in Style. C'est avec ça qu'on se quitte et on se retrouve mardi prochain à 14h. Bonne semaine! Bye-bye! We'll be right back.